بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثالث والثلاثون. 33e leçon. 33e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب اليوم سندخل في الدرس السابع عشر من الكتاب. من الوحدة الرابعة عشر، يعني الـ 17e leçon du livre de la 14e unité. يعني الدرس قبل آخر، avant dernier درس إن شاء الله دي كتاب بفضل الله، بعنوان النظافة. النظافة يعني la propreté. وما أحواج الأمة إلى هذه النظافة هذه الأيام. Et que la communauté islamique, bien entendu ces jours-ci comme on a pu voir, est en grand besoin justement de notre propreté. Comme on peut voir dans les rues ici, comme j'ai pu le voir en Égypte aussi, malheureusement c'est un grand problème que notre religion appelle à être propre et à bien se tenir, et qu'on voit malheureusement une fois de plus que les musulmans sont sur une application autre que celle qui est attendue de leur religion. Hein, et le paysage et le décor en sont la plus grande preuve. Ce n'est pas partout, mais les lieux, les grandes vitres comme ça, c'est voilà quoi. Les poubelles là. Tout le monde jette tout par terre, l'autre il boit, il jette la canette par terre. On n'a rien à faire, l'autre jette poubelle par la fenêtre, tu vois. Et tout ça, c'est des choses justement qui font fuir les gens. Une fois de plus. Quand les koufars viennent, ils voient ça. Ils disent, ah, c'est ça, vous, les gens, les serviteurs d'Allah, c'est ça. Ben, voilà. Ce qui prouve qu'il y a une grande défaillance dans leur compréhension de la religion, malheureusement. Un grand manque d'éducation. Un grand manque de retour vers le kitab ou la sunna. C'est triste de voir ça, tu vois. Des gens avec des camises bien blancs qui brillent. Et en bas de leur maison, c'est des poubelles. Ils ne servent pas trop ensemble. Malheureusement. Il est man, rahimallah. Naam. Tayeb. Yaqul al-kalimat al-jadida. Istahala. يستهل بمعنى يعني معنى بدأ تقريبا كومونسي يعني حول هذا في معاني أخرى لكن في هذا الموضوع الذي يناسبه هو بمعنى بدأ يعني كومونسي تقريبا أعار يعير معنى اهتمام c'est prêter de l'importance, on va dire. Ara, à la base, c'est prêter. U'iru kadhalik, je te prête ça. Et ihtimaman, c'est prêter de l'importance. Ou isti'ara, c'est emprunter quelque chose à quelqu'un. Ou isti'ara fi dinina mashru'. Emprunter une chose à son frère, une chose qui est légiférée. Aïcha, مثلا استعارت عرق أختها أسماء لما قلت لك ولد أسماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسكي بعيد يعيد لذلك لسكي نصير نفهم ليس لها هجاب فتستعير من أختها فكي بعد هجاب بعد ذلك الأمبرات عن دسيسر في الله في الحاجة الاستعارة تجوز إذا في حاجة ما في شيء. Lakin Taman, tu fais attention à ce que tu empruntes. Ah. Quand tu empruntes un truc à ton frère ou quoi, tu fais attention pour lui rendre en bon état. Parce que tu en as les empreintes, et après, il va être en la moitié de la chose. Mathalem. Tawwabun. Min asma'illah. Mutatahhir. C'est une personne qui se nettoie, qui se purifie. Daran, mana, wasakh. C'est une saleté. Nahik, mana, en plus de cela. Ziyada ala shay. On pourrait traduire peut-être par en plus de cela ou fiyad al mana. Nahikabi, et ajoute à cela telle chose, en plus de cela telle chose. Cela fait le tarjamat al-nas, inshallah, c'est yadhar. Chatroun, mananis. Chatr, comme le hadith, al-tahara, chatr al-iman. Ma ahwaj. Ma ahwaj, c'est comme être dans un grand besoin. Là, c'est pas question. Si, comme si tu dis, Mousseline, ma kama koutou fil bidaya, ma ahwaj al-umma. Il est le nazafa. Comme la communauté est en grand besoin, en besoin de propreté. Khafiyoun ou khafiyatoun, c'est une chose qui est cachée. Non apparente. Ma'wa. Ma'wa, c'est un lieu de refuge. Al-Dorina ou Aks al-Mahabba. On a le bord, مثلا. النابي معناه سيء. طيب. Mauvais. سيء. ميرات او مرآت سميرة. مرآت سميرة. عكس يعكس الان بمعنى يعني renvoyer, refléter. Jasad, mana jism, ma'aruf, le corps. Al-mar'iyya, c'est une chose visuelle. Namima, ma'aruf. Calomnie, mana naql kalam ala wajh al-fasad. Que tu ne colles pas ton parole en but de faire du mal. Fa'ala min kabaya. Ma yusabib, azab al-kabr. شرور جام شر مل نمو انفس جام نفس يعني لم بادر يبادر يعني الان بادروا بالاعمال الخيرات يعني بريسيبيتيفو لانسيفو سانز ايزيتي. الآن سنقرأ إن شاء الله. يقول عامر شاب قليل الاستحمام. عامر سي ان جون كي ما تدوش با بوكو. استحمام سي لو فات دو معنى اغتسال. Pour se laver. وسخ الثياب. Aux vêtements sales. Tafouhu min jasadihi rawa'ih kariha. Son corps dégage de mauvaises odeurs. Vous voyez ? Tafouh, c'est le corps. Là, tafouhu min jasadihi rawa'ih kariha. Que de mauvaises odeurs se dégagent de son corps. L'odeur, c'est faha ? Rawa'ih. Non, tafouh. Se dégage. Que dit ha là-bas, c'est détestable, tu vois. On va traduire par mauvais. Fanasohahu Abuhu Abdul Karim. Donc son père est venu pour le conseiller. Son père, c'est Abdul Karim. Wastahalla al-Nasiha bi ayat min al-Qur'an al-Karim. Et il a débuté sa nasiha, dans le sens, par des versets du Coran. الكريم. فقال يا بنية يا بنية سي لو تصغير دو ابن avec le يا متكلم اني مون فيس يا مون فيس petit fils tu vois en sens. أما سمعت قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. As-tu pas entendu la parole d'Allah où il dit que certes Allah aime ceux qui se repentent beaucoup et ceux qui se purifient? Bah tiens là, Tawabin, en fait dans Tawab là, ils veulent la créature, ils veulent pas Allah. Quand j'ai dit tout à l'heure Tawab min Asma'illah, la kina le sens qu'ils veulent là, c'est pas le. Ils veulent pour les gens, pour les créatures. Tamam, ils veulent pour les créatures. Ma'ana Tawab min Asma'illah, ala kullin. يا بني أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والطهور شطر الإيمان. Il dit oh mon fils, as-tu pas entendu la parole du Mustafa, c'est-à-dire le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, que la purification c'est la moitié de la foi. يا بني إن أحد الصحابة الكرام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوابه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Donc il dit au mon fils, un des sahaba, le noble sahaba, a dit au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il aimait, un homme aime que ses vêtements soient toujours propres ainsi que ses chaussures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah est beau et aime ce qui est beau. Le hadith rapporté par Tirmidhi ou Muslim. Wa adami adilla an ala sifat al jamal lillah wa na'u min asma'i jamil. Qala ما أحوجنا اليوم يا بنية إلى النظافة في مجالتها المختلفة المرية والخفية. Donc il dit, comme nous sommes en grand besoin aujourd'hui, ô mon fils, de propreté dans tous les domaines, dans des domaines différents, variés, domaines visuels tant que apparents, ou plutôt apparents tant que cachés. Quand je dis mar'iya, ça veut dire une chose tu vois, visuelle, mais là il veut dire apparent. Comme tu dis zahir. Ana zahir. Wal khafiya, al-aks. Ghayr zahira. Sawa un kalat nazafatu thawb, ou al-makan, ou al-ta'am, ou al-lisan, ou al-qalb. Qu'il s'agisse de la propreté des vêtements, du lieu, de la nourriture, ou de la langue, ou du cœur. وقال الفتى يا أبتي أهناك نظافة مرئية وأخرى غير مرئية. دي donc le garçon il dit quoi, يا أبتي c'est oh mon père, يعني عبارة تستخدم لطف كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لتعبدي الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. Oh mon père, n'adore pas الشيطان car الشيطان est désobéissant Ar-Rahman. Tout comme le père dit Ya Abunayya, par compassion et par affection, le fils dit Ya Abati. Je veux dire Ya Abata aussi. Donc il demande, est-ce que ce propreté, qu'il y ait une propreté qui est apparente et une qui ne l'est pas, quand le Shaykh, c'est-à-dire son père, Naam Ya Abunayya. نظافة نظافة البدن والملبس والمأوى والطعام وغيرها نظافة غيرها. Donc il dit oui mon fils, une propreté du corps, des vêtements, du lieu de vie, et le ma'wa c'est là où tu vis, c'est ce qui veut dire ma'wa, à la base on a dit refuge, abri, et lui vise le domicile, le foyer. والطعام النواتير وغيرها ايوتر encore نسميها نظافة ظاهرية on appelle propreté apparente أما نظافة اللسان والقلب فهي نظافة الروحية quant à celle du cœur et celle de la langue c'est une propreté on va dire روحية on va dire non en français spirituel on va dire comme ça pas un autre mot plus approprié parce que spirituel c'est plus lié à l'esprit tu vois voilà veut dire c'est une chose qui est yani intérieure interne je sais pas s'il n'y a pas un autre mot propreté interne on dira tu vois qui a lieu à ton intérieur قال الفتى بعض الناس لا يعير النظافة الجسدية اهتماما ناهيك بالنظافة الروحية donc il dit le garçon certaines personnes ne prêtent pas d'importance à la propreté corporelle et qui plus est à la propreté spirituelle Là, comme on a dit, Nahika, c'est ajouté à cela ou en plus, donc on va dire qu'il plus est, tu vois, histoire de retranscrire en français le plus proche possible. Le plus fidèlement possible à la langue française, si on peut. Déjà que ma langue, déjà, elle est faible, mais bon. J'ai pas trouvé l'autre truc. Aïm Sheikh, Aïm Tal Maqsoud. Sur le but, c'est parler arabe, hein, pas parler français, hein, donc. On va pas se casser la tête. Hein. On est là en cours d'arabe, on n'est pas en cours de français. Bon, c'est vrai, comme des fois on traduit, tu vois, on fait attention. Par utiliser des expressions, tu vois, c'est clair. Mais là, on est là pour apprendre l'arabe. Donc, Aham Shia, n'a qu'à faire une telle jumla. Qala e Sheikh, Tahtaju al-Nazafatu al-Ruhiyatu il-Aina, wa Jahd, Aksal al-Nazafa al-Jasadiya. Aïwa. Donc, il dit que la propreté, on va dire spirituelle, comme on dit, a plus besoin de soins et d'efforts. La rana, c'est ça en fait. Comme tu dis, ta'tani bidhalik. Comme une rinaya. Aïe, ouais. Ça n'était pas apparu, mais c'est ça le sens voulu. Plus que la propreté corporelle. Wasadak. Liana. لأن هذا الكلام مبني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب donc si tu commences par purifier ton cœur le reste suivra inévitablement Mais si Yahvé, le cœur n'est pas purifié, pareillement. Le reste ne suivra pas. قال الفتى كيف تكون النظافة الروحية Comment est la purification, c'est-à-dire interne, spirituelle قال الشيخ على المرء أن يحفظ لسانه على كل ما يسيء له أو لغيره. Que la personne doit préserver sa langue, tout ce qui pourrait lui nuire à lui-même ainsi qu'aux autres, à autrui. من نائي القول comme mauvaise parole. On a dit نابي أفن. من نائي القول comme mauvaise parole. Que l'homme essaye. فاللسان مرآة تعكس ما في القلب. Que la langue est comme un miroir qui reflète ce qu'il y a dans le corps ou dans le cœur. كما جاء في الحديث. مما يدل على أن مما يؤيد على أن الأعمال من الإيمان. Ce qui démontre que les actes partent de la foi car elles sont un reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. وأن يكون قلبه صافيا للجسد من الحسد عفوا والحقد والدغينة. Que son cœur soit exemple de jalousie, higd, ce serait du rancune, c'est le mana, waldarina, il y a ni de la haine, la rancœur. Qual al fata, ashkuruka ya walidi, ala hadha al tawjih. Donc il dit, je te remercie, ô mon père, sur cette directive, yani ce conseil. ولن تراني بعد اليوم إلا محافظا على النظافة في الثوب والجسم واللسان والقلب والعمل. Et tu ne me verras plus à compter de, après ce jour, on va dire, si ce n'est qu'en préservant ma propreté dans mes vêtements, mon corps, ma langue, mon cœur et mes actes. نعم. وهذا صحيح لأن النظافة قد إذن يطلق على التطهير الطهارة والطهارة أقسام طهارة أقسام طهارة ديفيرون سورت الطهارة من الحدث celle qui te purifie des impuretés comme faire l'ouzo ou sur le جنابة الطهارة من الأدران الأوساخ je te nettoie des saletés, car ce n'est pas toute saleté non plus qui est souillure. Les choses qui te salissent ce ne sont pas non plus des najasa. Et ta tathir taharat al-qalb min al-ma'asi. Tu purifies ton cœur des péchés, des shahawat. D'accord ? Même le corps, tout ce qui est désobéissance. Wa taharat al-qalb min al-i'tiqadat al-fasida. بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة et purifier le cœur d'accord de tout ce qui est passion tout ce qui est chose qui t'emmène à faire du mal ton cœur à penser du mal comme le hasad ce genre de choses مثلاً شهوات et cela par quoi par le توحيد par la bonne عقيدة par l'istiqama et tout est lié cœur et corps tout va ensemble لا نفرق بينهما معنى الذي في قلبه ليس على ظاهره هذا ما هو صحيح ابدا parce que dans ton cœur se reflète sur ton corps ce qui est une forme de réponse à ceux qui disent moi ce qui est dans le cœur on dit naam parce que dans ton cœur se reflète sur ton corps donc qu'est-ce que tu veux par là qu'est-ce que tu veux dire par là en fait tu veux dire moi je veux rien faire mais moi dans mon cœur je suis bien ça c'est une forme de tazkiyat an-nafs la personne qui dit ça c'est comme si elle dit moi je suis bien dans mon cœur j'ai pas à te le montrer. Tu vois. Tu dis à la base, si t'étais bien, je ne vais pas te le demander. Tu vois. Si t'es quelqu'un de bien, vraiment, je ne vais pas te le demander, ça se verra tout de suite. Sans que je te le demande. Car ton cœur reflète ce qu'il y a dans ton corps. Ou plutôt le contraire. Ton corps reflète ce qu'il y a dans ton cœur. Donc quelqu'un de bien, ça se voit en général. Bien dans son apparence, tu vois tout de suite que lui déjà a Boustakim. Et lui, il ne l'est pas. Tu vois. Tu vois quelqu'un qui vient habiller de façon non légiférée, comme on dit souvent. Rasé ou quoi, il vient et dit moi dans mon cœur je suis bien. Je pense pas que tu es dans ton cœur. Parce que ton corps déjà il est pas bien. Tu dis muslim ou quoi, à part que t'es un débutant qui vient de commencer, tu vois. Ou un ignorant qui sait pas encore vraiment. Et normalement après tu l'expliques, il applique, tu vois. Et quelqu'un qui vient par exemple, tu l'incites à bien s'habiller, à avoir une bonne apparence. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, Inna Allah jamil humul jamel. Et la beauté, c'est celle qui est décrétée par la religion. Pas ce qui est dans les magazines. Dans la télévision ou sur les affiches, tu vois, ou celle que des gens veulent te faire croire, c'est pas ça la beauté. La beauté, c'est celle que Allah l'a décrétée. Et la beauté, on nous l'a appris par quoi? Par les actes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À quoi il ressemblait? Par des kana lakum fi rasulillah qutun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa zakara Allah kathira. Pour qui voudrait, qui espère rencontrer Allah et le jour dernier. Donc, c'est quoi ta niya? C'est le dunya ou l'akhira. C'est l'akhira, la beauté, c'est pas celle-là. C'est pas celle de Brad Pitt, des acteurs qu'on voit à la télé ou les chanteurs ou les sportifs. C'est pas celle-là la beauté. C'est celle des salaf, celle de l'islam. Ton bon exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si jamais tu veux avoir un bon exemple, et sa description elle est là, dans les kutub jusqu'à présent, on sait comment à quoi elle ressemblait. Donc, toi, fais en sorte de les ressembler le plus possible. Parmi les signes de beauté, par exemple, pour l'homme, la barbe. Même Aïcha, elle a dit, dans un affaire, qu'Allah, il a honoré l'homme, il l'a embelli par la barbe. Et la barbe, c'est une marque de noblesse. Même aujourd'hui, tu regardes, quand tu es habitué à voir les barbus, quand tu vois quelqu'un rasé, il n'est pas beau. Franchement, il n'est pas beau. Quand tu vois un frère avec une barbe, tu vois, ça fait noble. Ça fait royal même, tu vois. Ça fait fier. Alors quand tu vois, il se rase après le lendemain, tu dis, oh là là. Ah, il manque quelque chose là, il y a un truc qui ne va plus. Tu vois. Même nos sœurs, alhamdoulilah, les femmes sont habituées. Les femmes de l'islam, les musulmans, les salafiates, tu leur amènes un frère sans barbe, elles vont le regarder, elles vont faire fouf. Tu vois, elles sont habituées à avoir des frères en barbe. C'est devenu la beauté. C'est-à-dire là, c'est la vraie beauté. Le vrai canon de la beauté rentre dans le cœur, min tawfiqillah. Tu vois, avant, le kamis, le izar, ce genre de vêtements. Demain, maintenant, pareil, on voit quelqu'un, il vient en pantalon ou quoi, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau. Tu vois un frère avec un beau kamis, bien blanc, bien propre, ça c'est beau. Même autre que le blanc. Mais le blanc, c'est la meilleure couleur. Tu vois, la meilleure couleur. Et ça se voit. Tu vois, avec tous les vêtements qui vont avec. Ainsi de suite. Et taban, même sur toi, si tes vêtements soient propres autant que possible. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est pas que t'es sorti. T'as des enfants, par exemple, ils t'ont taché, ils t'ont sali. Ça veut pas dire que t'es sale. Des fois, t'as pas le temps. Tu vas au mosjid, t'as un truc à faire, ton enfant, il t'a sali, quoi. Ou toi-même, tu t'es sali, par exemple. C'est. Tu vois. Je sais pas, t'es en habitude de voir tout le temps tout sale. Là, t'as une tache, tu t'es sali, ça. C'est pas non plus, tu vois, on n'est pas, comme certains, il faut croire, des maniaques. Hein. Tu peux changer, tu changes. Tu peux pas changer. Ah, malik. C'est pas non plus, tu viens, tu psychotes et tu te fatigues pour ça. Il y a des tâches qui sont des salissures qui sont inévitables, surtout quand tu as un père de famille. Tes enfants ils touchent partout, après ils viennent, habite, tiens ton kamis, khalas. Tu vois, il a mangé un plat avec toi et de la sauce, après il vient derrière toi, habite, tiens ce bras, khalas. Ton kamis il est mort. Ton kamis il est mort. Du moins faux, voilà quoi. Les choses qui sont inévitables. Donc, tu marches dans la rue, tu t'es frotté un truc. Et malgré tout, on a incité à mettre le blanc. Et le blanc, c'est ce qui est. C'est la couleur qui est, lorsqu'il y a moins de taches, ben voilà quoi. C'est direct quoi. Ça n'arrête pas, ça se voit. Le noir aussi, tu sais que le noir aussi. Parce que t'as marqué couleur noire. Avec la poussière, ça se voit très vite. Contrairement à ce que les gens pensent. Tu prends du noir, tu te frottes sur un mur en poussière, c'est fini. Ça se voit tout de suite. Tayeb. Alain Sanakhouz El Asila. Ou Shay'an Minaha. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Beaucoup de. Exercice. Ah, comme d'hab, on va faire en deux séances. Yaqul Adiban Asilatil Taliya. Réponds aux questions suivantes. Kaifa tu nazifu malabisak. Comment est-ce que tu nettoies tes vêtements? Bilmo sabon. Avec l'eau du sabon. Comment est-ce que tu nettoies ton corps? De l'eau et du savon. Comment tu nettoies ta maison? Hein? Une biknesa. Quoi, il n'y a pas de monsieur propre à la maison? Madame propre. Non, je parlais du produit, moi. T'as oublié monsieur propre? Il n'y en a pas ici au Yémen. Ouais, Clorox. Hein? Clorox. Clorox, ouais. Javel. Non. Limaza ya'tani l'insanu binazafati jasadi. Pourquoi est-ce que l'homme prend soin à la propreté de son corps? Pourquoi? Hein? Mardatillah. Waidon. Hatta la yu'adhiyan nas. Pour pas nuire aux autres. Parce que tu es celui qui est sale, qui sent des mauvaises odeurs, nuit aux autres. D'ailleurs, cela est une cause qui font que tu peux être amené à ne pas venir en masjid. La mauvaise odeur que tu dégages. Ka'aman akala thoman wa basalan fala yakurbanna masajidana. Celui qui a mangé de l'oignon ou de l'ail, parce qu'il dégage une mauvaise odeur, qui n'approche pas le masajid. Pourquoi également, parmi les asbab, le ghusl al-jumu'a, ma wa asbab al-hadith alati waradat fi wujub ghusl al-jumu'a, c'est que des fois il arrivait que des gens travaillaient ou quoi, et avaient des mauvaises odeurs, et pendant le jumu'a on est rassemblés tous. Les odeurs se dégagent. Voilà. Donc le minimum chez le musulman, c'est au moins qu'il lève au moins une fois par semaine. C'est le minimum. Ça veut pas dire que tu le fais. Tu vois, tu peux faire plus, alhamdoulilah. Mais c'est au moins un minimum. Si tu as des gens, ça ne fait pas du tout. Malheureusement. Et t'en as c'est trop aussi. Je me rappelle chez... t'en as c'est plusieurs fois par jour, tu vois. Sans besoin, je parle. Hein. Pas comme si t'avais transpiré ou t'avais fait des trucs, tu vois. Mais sans besoin, t'en as c'est plusieurs fois par jour. Il se lave. Si je me lave pas au moins deux fois par jour, trois fois par jour, ça va pas. Putain, c'est une balara, ça. Pourquoi te laver autant de fois par jour? Si t'es sale, t'as un besoin. Par exemple, je sais pas, tu t'es lavé. Quand t'es sorti, t'as fait un truc qui fait que tu t'es sali. Tu dégages une odeur ou quoi. Ouais, tu te relaves, pas de problème. Mais t'as rien, t'es normal, t'es sorti. T'es au mosjid avec ton mosjid. Tu rentres chez toi, tu te laves encore. Ça sert à quoi? Tu vois? Après, tu vas au mosjid, tu rentres à la maison, tu te laves encore. Tu vois? On a même peur que ça dévoie ça, oui. Ouais, c'est pas la mosjid là. Hein? C'est pas la mosjid. Par exemple, c'est les koufars qui font ça. Beaucoup. Ouais, j'ai entendu ça. Tu vois? Les koufars, ils font ça. Les hein? De la peau, sûrement, ça, c'est obligé des conséquences. Ça, c'est un truc exagéré à la base. On ne demande pas d'en faire autant. Ils n'arrivent pas à faire l'estinja quand ils vont au hammam. Hein, c'est la nettoyer correctement et ils vont saver trois fois par jour. On dit, t'as pas compris. Justement, c'est là qu'il faut que tu nettoies trois fois par jour. Tu vas au hammam, excuse-moi, ton lotus, ça suffit pas. Tu vois. Tu urines, tu te lèves, il remet son truc et après il s'en va. Après, il dit, je me lave trois fois par jour. T'as pas compris, toi. C'est quand tu vas au hammam, c'est là qu'il faut que tu te nettoies, justement. Nettoie bien là. Parce que là, c'est une naja, ça. Alors que la crasse, on va dire, c'est de la crasse, c'est pas une naja, ça. C'est-à-dire que c'est pas beau, ça sent mauvais. Mais ça, là, l'urine, ce genre de choses, moi, me dirais les excréments, ça, il y a besoin de bien nettoyer. Lui, il vient, il va au hammam, un coup de lotus, hop, il s'en va. Mais c'est pas fini, tu vois, il reste des traces, t'as pas fini ton travail. Il regarde même pas derrière le hammam si c'est propre ou pas, il s'en va. Il s'en va, il dit, moi, je suis propre. Je dis, non, t'es pas propre. T'as pas compris. C'est pas ça de propre. C'est commencer par les lieux vraiment qui ont besoin d'être nettoyés en premier. Les premiers, c'est ceux-là. C'est parti là. Naam. Ensuite, il dit Limaza ta'atabir al-hasad afwan min al-awsakh wa maradan min al-amrad. Pourquoi est-ce qu'on considère la jalousie comme étant une saleté et une maladie parmi les maladies? Limaza. نعم لأنها من ال من ال الأوساخ الروحية parmi on va dire les salissures les souillures saletés internes كما قرنا بين البدن والقلب فنقرن بين الأوساخ المرئية والأوساخ الخفية. Et le hasad est l'une des pires maladies qui existent dans le cœur. Le hasad ou le kibr, les deux ensemble ont des dégâts dévastateurs. Et ça a été les deux causes de sortie de Iblis. L'anatollah alayhi min al-jannah. Le hasad, l'anou hasada ala Adam. Ou le kibr, l'anou rawa anou ahsan minhu. A cause de cela, il a été expulsé et renvoyé du jannah et maudit et voué au nar et au lieu même de revenir il s'est encore plus enfoncé, tu vois, comme il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui dit dans il lui a dit que bah, comme tu m'as égaré je vais prendre avec moi tous ceux qui vont me suivre, c'est pas seulement j'ai, c'est carrément ah ouais ben je prends plein de gens avec pour dire jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont comme ça jusqu'au bout, ils veulent pas accepter, ils font ben je fais du mal, ben je vais prendre des gens avec moi, alors dans mon mal je partirai pas tout seul. C'est vraiment que t'es voué à... Voilà, t'es vraiment, t'es... C'est le pire des stades. Tu t'es fait du mal à toi, tu dis, ah ouais, ben je vais faire du mal aux autres en même temps. Et tu prends les gens avec toi. Volontairement. Et t'as des gens comme ça. Ils supportent pas d'être... Ils ont fait un mal, tu leur fais une nasiha, qu'ils reviennent, ils veulent pas revenir. Ils s'en font d'orgueil. Ils disent, ah ouais, eh ben... Moi, je reviendrai pas et je prends des gens avec moi en plus. Et c'est n'est quoi pour les autres. Il va permettre de faire apparaître qui est à la khayr et qui ne l'est pas. Ceux qui vont le suivre, c'est des gens qui ne sont pas à la khayr à la base. Et ceux qui sont à la khayr vont voir que lui, il n'est pas bien, ils vont le délaisser. C'est la même chose. Donc attention, je le sais, mauvaise fréquentation. Des gens sont là, ils font exprès pour t'en prendre avec eux. Ils ne sont pas bien, et ils ne sont pas bien avec eux. Quel koufar. Ils aimeraient que vous m'écroyez comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Le kafir, tu m'écrois comme lui. Il ne veut pas croire, lui, pour lui. Après, ils disent, ouais, nous, on force les gens à se convertir à l'islam. Nous, on force les gens à m'écroire. Comme il a mécru, il veut que tu sois mécréant avec lui. Moi, j'ai pas cru, toi non plus, tu vas pas croire. Je vais prendre avec moi. On va aller en enfer, tous les deux, toi et moi. Enfin, lui, il voit pas qu'il va aller en enfer, tu vois, mais il se dit, on va pas obéir à Allah, toi et moi. Voilà. Et après, il va aller en enfer. Et en enfer, ils vont se balancer l'un et l'autre. C'est lui. Ils vont se désavouer l'un de l'autre. L'un de l'autre. Comme tu le sais. Allah, nasallallahu alayhi wa sallam, min hadhihi al-amrad. ماذا يصيب الإنسان إذا أهمل النظافة بالنظافة؟ Qu'est-ce qui lui arrive à la personne lorsqu'il est négligent envers la propreté? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais pas? Celui qui est sale, qu'est-ce qui lui arrive? تفوح منه روائح كريهة. Il dégage des mauvaises odeurs. ومنظره غير جميل. Il est pas beau à regarder. Les gens fuient de lui parce qu'il sent mauvais, parce qu'il n'est pas propre. Il nuit à son image. Les maladies également. Et adrar kathira, et bien d'autres nuisances. Limadha kana al-jism ghayl nadhif ma'wan lil amrad. Pourquoi est-ce que le corps a faune qui n'est pas propre, attire des maladies, on va dire. Ma'wa, c'est un lieu de refuge, quoi, mais c'est attire des maladies. Pourquoi? Ma'a de plein de soil. Non, mais ça l'a. Wada ma'arouf, la mekanina wasikha, la tita jlib, elle fit iran, mesalène, wassarasil, ça attire les rats, les cafards, ce genre de choses. Mais ça, ce sont des animaux qui sont crades à la base, ils sont sales. Donc ils transportent des maladies avec eux. Les sarasil t'achrouj min hammamat. Ou al-far kazalik. Ils sortent du hammam de là où t'as fait tes besoins. Après ils vont dans la maison. Hatta mumkina la ta'am. Ahemt. Hada wasikh. Ma faydat taqsir al-shar wa izalati. Quel est le... L'utilité à se couper les cheveux, on va dire. Ou se les raser. Les rigels. Les rigels. On précise. Pas pour les femmes. Hein? Non. Tashil. C'est quoi un ishal? C'est la diarrhée. Israël, c'est la diarrhée. Colique. لماذا لا ترضى أن تكون ملابسك ضيقة؟ Pourquoi est-ce que tu n'agrées pas que tes vêtements soient serrés? تظهر. وتكشف العورة. نعم. On découvre tes parties intimes. Oui, donne ma tartah. T'es pas confortable dedans. T'es pas à l'aise. Hatta ishir kana yadhkur hadha fi durus min bab al-fayda an alladhi mathalan hasala lahu hadith wa shakadha. Awwal shay yatil mus'afun yaftahun malabisa. Lorsqu'une personne, par exemple, a un accident ou quoi, parmi les premières choses que, premier soir qu'on lui donne, c'est on lui ouvre ses vêtements. Par exemple, si c'est une chemise ou quoi, on lui ouvre le col pour qu'il respire. Mathalan. Les vêtements serrés, même sur le point de vue santé, ça a des conséquences pour la suite, Chiri disait. Sur la circulation sanguine, ce genre de choses. On parle serré, tu vois, on parle pas. Non, maintenant c'est la mode, on m'a dit en France. Tu vois, on m'a dit c'est la mode, les slim, tout comme ça là. Les slims, ils appellent ça les slims. C'est espèce de machin là qui coule la peau, là. Comme des collants. Sauf que ça. Même si on en voit, ils en portent. Malheureusement. Qu'est-ce que c'est laid ça, mon frère? Aouz billah. Des modes. Voilà quoi. Et là, bientôt, la dernière fois, c'est tout nu dans la rue. Ou même, on m'a dit qu'il y en a, ils portent des vêtements, c'est la couleur de la peau. Des femmes, elles mettent des collants, c'est la couleur de la peau. Comme une deuxième peau, tu vois. Même couleur que la peau. Et le but, c'est d'arriver et tout nu. Tu vois, je suis nu sans l'être. Comme l'imbécile Salam, il avait annoncé ça. Des femmes vêtues, dévêtues. Et les hommes, ils suivent aussi. Tu vois, ils suivent. Des vêtements serrés, courts, ouverts. À ma génération, c'était pas ça. Mais là, on m'a dit, la mode, là, c'est, voilà, quoi, c'est catastrophique. Et que dire de ce qui va venir après? Alhamdoulilah. لماذا تأكل طعاما نظيفا؟ Pourquoi est-ce que tu manges de la nourriture propre? لأن الطعام النظيف من أسباب يقل الجسم من الأمراض. Il protège son corps des maladies. C'est une cause, par un nom de maladie. Bismillah. كيف تبتعد عن أسباب القذارة? Comment tu t'évites les causes qui salissent, les choses qui salissent, les souillures? Là, c'est la cause des tâches. كيف تبتعد? Comment tu t'éloignes? Tu te nettoies. بالنظافة بالنظافة النظافة في كل مجالاتها dans tous ces domaines. طيب سنقف هنا وسنواصل غدا إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ طيب والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com